téléchargez l'application Radio France pour découvrir, écouter des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct. Ma vie, de Isadora Duncan. Troisième épisode, l'école. Isadora Duncan a quitté son Amérique natale pour l'Europe en 1899. Après Londres, Paris et un triomphe à Berlin, elle décide d'aller enfin à la rencontre du pays qui est pour elle le berceau de tous les arts, l'autel sacré de l'harmonie des mouvements de l'âme et du corps. En juillet 1903, elle part pour la Grèce. Nous arrivâmes un soir à Athènes et l'aube nous trouva en train de gravir les marches de son temple, le pas tremblant, le cœur défaillant. À mesure que nous montions, il me semblait que toute la vie que j'avais connue jusque-là se détachait de moi, que je n'avais jamais vécu auparavant, que je naissais pour la première fois dans ce long souffle de beauté, dans cette première contemplation. Le soleil se levait derrière le Pentélique, révélant sa clarté merveilleuse, la splendeur de ses flancs de marbre qui étincelaient sous les premiers rayons du jour. Nous gravîmes la dernière marche des propylées et admirâmes le temple qui brillait dans la lumière du matin. D'un accord tacite, nous demeurions sans rien dire. Chacun de nous était seul devant la beauté. L'heure était trop sacrée pour s'exprimer en paroles. Elle frappait nos cœurs d'une étrange terreur. Nous demeurâmes pendant longtemps plongés dans une méditation d'où nous ne sortîmes qu'affaiblis et comme ébranlés. Je me demande souvent pourquoi les mortels qui ont atteint de telles altitudes doivent redescendre. Pourquoi ne pouvons-nous pas, par quelque magie, être transformés en prêtres du temple et demeurer pour toujours au divin service d'Athéna, à gagner la sagesse de l'extase? Nous étions maintenant tous réunis, ma mère et ses quatre enfants. Le clan Duncan se suffisait à lui-même. Les autres n'avaient fait que nous écarter de notre idéal. Il nous semblait qu'en contemplant le Parthénon, nous avions atteint le pinacle de la perfection. Nous nous demandions pourquoi nous quitterions désormais la Grèce, puisque nous trouvions à Athènes tout ce qu'il fallait pour satisfaire notre sens esthétique. Nous décidâmes que le clan Duncan resterait éternellement à Athènes, et que nous y construirions un temple qui porterait la marque de notre génie. Depuis mes représentations à Berlin, nous avions en banque une somme qui me paraissait inépuisable. Nous partîmes donc à la recherche d'un emplacement qui convînt à notre temple. Nous explorâmes Colonne, Phalère et toutes les vallées de l'Attique, mais nous ne pûmes trouver aucun lieu qui fût digne de notre temple. Finalement, un jour, dans une promenade vers le mont Hymette, où sont les ruches d'où vient le célèbre miel, nous franchîmes une élévation de terrain et soudain, Raymond, posant à terre son bâton, s'écria « Regardez, nous sommes au niveau de l'acropole !» Et effectivement, en regardant vers l'ouest, nous vîmes le temple de Zeus étrangement proche, bien qu'en réalité distant de 4 kilomètres. Nous achetâmes la colline dénudée et connue depuis l'Antiquité sous le nom de Copamos afin d'y bâtir notre temple. Il nous restait à trouver du papier et des instruments d'architecte, puis à faire un plan de maison. Raymond trouva le modèle exact que nous désirions dans le plan du palais d'Agamemnon. Dédaignant l'aide de techniciens, il embaucha lui-même ouvriers et charretiers. La seule pierre qui nous parut à la hauteur de notre temple était celle du Pentélique, dont les flancs étincelants avaient fourni les nobles colonnes du Parthénon. Pourtant, notre modestie se contenta de la pierre rouge qu'on trouve au pied de la montagne. Dès lors, chaque jour, on put voir une longue file de chariots nous amener de ces pierres rouges. Ils montaient en lacets du Pentélique à Copamos, et à chaque voiture est déchargée sur notre terrain, nous sentions croître notre joie. Notre clan se suffisait complètement à lui-même. Nous ne nous mêlions pas aux habitants d'Athènes. Et même le jour où les paysans nous dirent que le roi de Grèce était allé à cheval voir notre temple, nous restâmes impassibles, car nous vivions sous le règne d'autres rois d'Agamemnon, de Ménélas et de Priam. Un soir que nous étions assis au clair de lune sur les gradins du théâtre de Dionysos, nous entendîmes une voix aiguë de jeune garçon qui s'élevait dans la nuit, avec cette sonorité pathétique et surnaturelle que seuls les enfants possèdent. Soudain, une autre voix se joignit à la première, puis une autre. Elle chantait quelques vieux refrains du pays. Nous étions transportés. Et Raymond dit, les voix des jeunes garçons de l'ancien chœur grec devaient avoir cette sonorité-là. Les chants des jeunes garçons firent naître en nous l'idée de ressusciter le chœur grec primitif. Nous organisâmes des concours. Un chœur des 10 chanteurs qui avaient les plus belles voix d'Athènes fut ainsi formé. Un jeune séminariste, fort instruit dans l'étude du grec ancien, nous aida à adapter ce chœur aux suppliantes d'Échille. Après 2000 ans, nous rapportions au monde ces trésors perdus. Athènes était alors, comme à l'ordinaire, en révolution. Cette fois, les étudiants s'opposaient à la maison royale sur le fait de donner des tragédies une version en grec moderne au lieu de conserver la version en grec ancien. Des foules d'étudiants défilaient à travers les rues avec des bannières en faveur du grec ancien. Un jour, ils entourèrent notre voiture, acclamèrent nos tuniques et nous demandèrent de nous mêler à leur cortège, ce que nous fîmes bien volontiers. Ce jour-là, une représentation fut organisée au théâtre municipal. Les 10 jeunes garçons grecs et le séminariste byzantin, tous vêtus de tuniques flottantes et multicolores, chantèrent les chœurs d'Échille en grec ancien, et je dansais. Une joie délirante éclata chez les étudiants. Le roi Georges, ayant entendu parler de cette manifestation, exprima le désir de voir le spectacle redonné au théâtre royal. Mais la représentation devant la famille royale ne reçut pas le même enthousiasme que celle du théâtre populaire. Les applaudissements en gants de chevreau blanc manquaient de conviction. Il paraissait satisfait, mais j'eus l'impression qu'il ne comprenait pas mon art. Le ballet sera toujours la danse par excellence des personnes royales. C'est à ce moment que je découvris que notre compte en banque était à peu près à sec. Pendant la nuit qui suivit la représentation royale, je ne pus dormir, et à l'aube, je m'en allais seul sur l'acropole. J'entrais dans le théâtre de Dionysos et je dansais. Je sentais que c'était pour la dernière fois. Je gravis les propylées et debout, je contemplais le Parthénon. Il me sembla que tous nos rêves éclataient comme des bulles de savon et que nous n'étions pas, que nous ne pouvions pas être autre chose que des modernes. Nous ne pouvions pas sentir comme les anciens Grecs. Je n'étais après tout qu'une Américaine, moitié irlandaise, moitié écossaise. Plus proche peut-être par quelque obscure affinité des peaux rouges que des Grecs. La splendide illusion de cette année passée sur le sol de l'Hellade s'écroulait soudain. Les accents de musique byzantine s'évanouissaient, disparaissaient, et j'entendais flotter dans l'air le chant de Mordiseux. Nous quittâmes l'Hellade. La renaissance de la musique grecque fut remise à une date ultérieure. Et après des représentations à Vienne, nous retournâmes à Berlin étudier l'Iphigénie et l'Orphée de Christophe Gluck. Les réceptions que nous donnions chaque semaine dans notre maison de Victoriastrasse étaient devenues le centre de l'enthousiasme artistique et littéraire. On y entendait maintes discussions érudites sur la danse en tant que l'un des beaux-arts. Les Allemands apportant un sérieux infini à toutes les controverses artistiques, ma danse était le sujet de débats violents. Les journaux publiaient constamment des colonnes entières qui tantôt saluaient en moi le génie d'un art nouvellement découvert, tantôt m'accusaient de détruire la véritable danse classique, c'est-à-dire le ballet. Au retour de représentations où le public avait montré une joie sans limite, je veillais tard dans la nuit, assise en tunique blanche, un verre de lait près de moi, et me plongeais dans la critique de la raison pure, d'où je croyais, Dieu sait comment, tirer une inspiration pour ces mouvements de pure beauté que je cherchais. Je désirais étudier, continuer mes recherches, créer une danse et des mouvements qui n'existaient pas alors. et le rêve d'une école de danse qui m'avait hanté pendant toute mon enfance était chaque jour plus impérieux. Dès le début, j'avais regardé la danse comme un cœur, comme l'expression de sentiments communs à tous. Dans Iphigénie, j'interprétais seul toutes les vierges de Calchis jouant avec leurs balles d'or sur les doux rivages d'Eubée, puis toutes les tristes exilées de Tauride dépeignant avec horreur les sacrifices sanglants de leurs concitoyens. J'espérais si ardemment créer un orchestre de danseuses que dans mon imagination, elles existaient déjà et que je voyais, à la lumière dorée de la rampe, les formes souples de mes compagnes, leurs bras onduleux, leurs têtes secouées, leurs corps vibrants, leurs membres agiles qui m'environnaient. Ce désir que j'éprouvais de rester dans mon atelier et de travailler désespérait mon manager. Il me bombardait continuellement de nouvelles propositions, me suppliait de voyager. Et je le voyais arriver gémissant pour me montrer des journaux qui disaient comment, à Londres ou ailleurs, on copiait mes rideaux, mes costumes et mes danses, comment ces copies passaient pour originales et obtenaient un certain succès. Mais cela ne me faisait aucun effet. Son exaspération fut à son comble quand, à l'approche de l'été 1904, je déclarai mon intention d'aller passer toute la saison à Bayreuth pour m'abreuver à la source même de la musique de Richard Wagner. Cette décision fut inébranlable à partir du moment où je reçus la visite de la veuve de Wagner en personne. Je n'ai jamais rencontré de femme qui m'ait fait autant d'impression que Cosima Wagner. Elle était versée dans la philosophie la plus profonde et savait par cœur chaque phrase, chaque note de la musique du maître. Elle me parla de mon art en des termes encourageants et adorables, puis me dit le mépris de Wagner pour l'école de danse du ballet et pour ses costumes, son rêve de la bacchanale et des femmes fleurs, l'impossibilité d'accorder ce rêve aux habitudes du ballet de Berlin, lequel devait donner des représentations à Bayreuth cette saison même. Elle me demanda si je consentirais à danser la bacchanale dans les représentations du Tannhauser. Mais la difficulté était grande. Avec mon idéal, il m'était impossible d'avoir affaire au ballet, dont chacun des mouvements heurtait mon sens de la beauté et dont les moyens d'expression me paraissaient mécaniques et vulgaires. « Que n'ai-je l'école dont je rêve ? » m'écriai-je. « Je pourrais alors vous apporter à Bayreuth la troupe de nymphes, de faunes, de satyres et de grâces que souhaitait Wagner. Mais seul, que puis-je faire ? » Néanmoins, j'irai, et j'essaierai au moins d'indiquer les mouvements aimables et voluptueux que j'entrevois pour les trois grâces. J'arrivai à Bayreuth par une belle journée de mai, et je descendis à l'hôtel de l'Aigle Noir. Chaque jour, je recevais un mot de Madame Wagner m'invitant soit à déjeuner, soit à dîner, soit à passer la soirée à la Villa Wahnfried, où l'hospitalité était royale. On voyait la grande figure de Hans Richter, la silhouette fine de Karl Muck, le charmant Mottl, et Humperdinck et Heinrich Toad. Tous les artistes de l'époque étaient reçus à la Villa Wahnfried avec la même courtoisie. J'étais très fière d'être admise, avec ma petite tunique blanche, au milieu d'une constellation de personnages si distingués et si brillants. Je commençais à étudier la musique de Tannhauser, cette musique qui exprime toute la frénésie des attentes voluptueuses d'un cérébral. Car c'est dans l'esprit de Tannhauser que se déroule la bacchanale. La grotte close des satyres, des nymphes et de Vénus est la grotte close de l'esprit de Wagner, exaspéré par l'attente continuelle de ce que ses sens espéraient et qu'il ne put trouver que dans son imagination. Du matin au soir, dans le temple de briques rouges sur la colline, j'assistais à toutes les répétitions, Tannhauser, l'anneau, Parsifal, au point d'être dans un état d'ivresse musicale perpétuelle. Pour les mieux comprendre, j'appris par cœur le texte complet des opéras. Mon esprit finit par être imprégné de ces légendes, et mon être vibrait avec les ondes de la mélodie wagnérienne. J'atteignis cet état où tout le monde extérieur semble lointain, froid et irréel. La seule réalité pour moi était celle de la scène. Ah, qu'elle était loin, la sage Athéna aux yeux bleus et son temple de beauté parfaite sur la colline d'Athènes. Cet autre temple, sur la colline de Bayreuth, avec ses vagues et ses reflets enchantés, avait complètement éclipsé celui d'Athéna. À la première représentation de Tannhäuser, ma tunique transparente, qui montrait toutes les parties de mon corps de danseuse, avait produit un certain effet au milieu des jambes roses du corps de ballet. Et à la dernière minute, la pauvre Madame Wagner avait perdu son courage. Elle dépêcha dans ma loge une de ses filles, avec une longue chemise blanche, me suppliant de la mettre sous le voile diaphane qui me servait de costume. Mais je fus inflexible. Je voulais m'habiller et danser comme je l'entendais, ou ne pas paraître. Vous verrez, toutes vos bacchantes et toutes vos femmes fleurs s'habilleront comme moi avant longtemps. Ma prophétie se réalisa. Mais alors, on discutait encore passionnément. On se querellait à propos de mes jambes si belles, pour savoir si ma peau de satin était morale, ou s'il fallait les recouvrir d'épouvantables collants de soie couleur saumon. Ainsi, dans ce monde étrange de légendes, l'été s'évanouit, et je me préparais pour une tournée en Allemagne. Je quittais Bayreuth, mais j'emportais dans le sang un poison violent. J'avais entendu l'appel des sirènes. Les soupirs de la douleur, la hantise du remords, la tristesse du sacrifice, le thème de l'amour aspirant après la mort, tout cela devait désormais obscurcir pour toujours la claire vision des colonnes doriques et la sagesse résonnante de Socrate. Je partis ensuite pour Saint-Pétersbourg. Bien qu'ennemi du ballet que je considère comme un genre faux et absurde, je ne pus m'empêcher d'applaudir l'apparition féerique de la célèbre danseuse Kszecinska voltigeant sur la scène, plus semblable à quelque oiseau ou à quelque papillon charmant qu'à un être humain. Quelques jours après, j'allais visiter l'école impériale de ballet, où je vis toutes les petites élèves en rang exécuter leurs exercices. Elles se tenaient sur la pointe des pieds pendant des heures, comme autant de victimes d'une impitoyable et inutile inquisition. Les grandes salles avec le portrait du tsar comme seul ornement sur les murs étaient comme des chambres de torture. Je fus plus que jamais convaincue que l'école impériale de ballet était l'ennemi de la nature et de l'art. Tout cet entraînement paraissait avoir pour but de séparer complètement les mouvements du corps de ceux de l'âme. C'était juste le contraire de toutes les théories sur lesquelles je fondais mon école, dans laquelle le corps devient transparent et n'est que le truchement de l'âme et de l'esprit. Après Saint-Pétersbourg, je me rendis à Moscou. Autant le ballet m'avait rempli d'horreur, autant le théâtre de Stanislavski me fit vibrer d'enthousiasme. J'y allais tous les soirs où je ne dansais pas moi-même, et j'étais reçue avec la plus grande affection par toute la troupe. Stanislavski venait souvent me voir, et pensait qu'en m'interrogeant suffisamment, il pourrait transformer mes danses en une nouvelle école chorégraphique pour son théâtre. Mais je lui dis que cela ne pouvait se faire qu'en commençant avec des enfants. Comme Stanislavski était extrêmement occupé tout le jour dans son théâtre par les répétitions, il avait l'habitude de venir me voir fréquemment après le spectacle. Dans son livre, il dit, à propos de ses entretiens, « Je suppose que j'ai dû fatiguer Duncan avec mes questions. » Non, il ne me fatiguait pas. J'éprouvais à faire part de mes idées un enthousiasme débordant. Un soir, je le regardais avec sa belle allure, ses larges épaules, ses cheveux noirs qui grisonnaient à peine sur les tempes, et quelque chose en moi se révolta à l'idée de jouer toujours ce rôle d'égérie. Comme il était sur le point de partir, je posai mes mains sur ses épaules et les enlaçai autour de son cou. Puis, abaissant sa tête vers la mienne, je l'embrassai sur la bouche. Il me rendit mon baiser avec tendresse, mais il avait un air d'étonnement extrême, comme si c'était la dernière chose qu'il attendit. Alors, quand j'essayais de l'attirer davantage vers moi, il se redressa et, me regardant avec consternation, s'écria « Mais que ferions-nous de l'enfant ?»« Quel enfant ?»« Mais notre enfant, naturellement, qu'en ferions-nous »« Voyez-vous, » continua-t-il d'un air grave, « je ne voudrais pas qu'un enfant de moi fût élevé hors de ma direction. » Mon sens de l'humour ne put résister au sérieux extraordinaire qu'il mettait dans ses paroles et j'éclatai de rire. Sur quoi il me regarda d'un air misérable et me quitta. J'en ris encore pendant la nuit qui suivit. Et pourtant, j'étais exaspérée et irritée. Je me retournais et m'agitais jusqu'à l'aube. Le matin, un bain russe me remit d'aplomb. La vapeur brûlante et la douche froide alternée raffermirent mon système nerveux. Je revins à Berlin, déterminée à fonder cette école de danse dont je rêvais depuis si longtemps. Et sans plus tarder, je confiai mes projets à ma mère et à ma sœur Elisabeth, qui montrèrent un égal enthousiasme. Il fallait une maison pour abriter la future école, et nous partîmes immédiatement à sa recherche avec cette spontanéité qui caractérisait tous nos actes. Avant la fin de la semaine, nous avions trouvé dans la Traubenstrasse, à Grunewald, une villa que les ouvriers venaient à peine de finir, et nous l'achetâmes. Nous agissions exactement comme les héros des contes de Grimm. Chez Wertheimer, nous fîmes en plaide de 40 petits lits, tous garnis de rideaux de mousseline blanche relevés par des rubans bleus. Nous entreprîmes de faire de notre villa un vrai paradis pour enfants. Je plaçai partout les représentations idéales de l'enfance, des bas-reliefs et des sculptures, des livres et des tableaux où l'on voyait l'enfant tel que les artistes de tout temps l'ont rêvé. Je croyais d'une foi enthousiaste qu'on ne peut arriver à la beauté qu'en éveillant le désir de la beauté. Pour avoir des élèves, nous annonçâmes dans les principaux journaux que l'école Isadora Duncan était ouverte, que son but était d'adopter des fillettes spécialement douées et susceptibles de devenir des disciples de cet art que j'espérais transmettre à des milliers d'enfants du peuple. Des nuées d'enfants répondirent à mon annonce. Je ne sais pas encore très bien comment nous procédâmes au choix de ces fillettes. J'étais si désireuse de remplir la villa Grunewald et ses 40 petits lits que je les pris au hasard, simplement parce qu'elles avaient un joli sourire ou de jolis yeux, et sans me demander si elles étaient capables de faire plus tard des danseuses. L'organisation de l'école, le commencement des leçons et la routine de la vie de chaque jour nous prenaient tout notre temps. Avec régularité, de 5h à 7h, j'apprenais à mes élèves à danser. Un soir de 1905, j'étais en train de danser à Berlin. D'ordinaire, je ne fais pas attention au public quand je danse. Il me fait l'effet de quelque divinité puissante qui représente l'humanité. Ce soir-là, pourtant, je remarquais un des spectateurs assis au premier rang de l'orchestre. Je ne l'avais pas regardé, je ne l'avais pas même vu, mais j'avais conscience de sa présence. Et quand la représentation fut terminée, cet homme extrêmement beau entra dans ma loge. Il était en colère. « Vous êtes merveilleuse, s'écria-t-il, vous êtes extraordinaire, mais pourquoi m'avez-vous volé mes idées? Où avez-vous été chercher mes décors ?»« Que dites-vous? Ces rideaux bleus sont bien à moi? Je les ai inventés quand j'avais 5 ans et je n'ai jamais cessé depuis de danser devant. »« Non, ce sont mes décors et mes idées. Vous êtes l'être que je rêvais pour eux. » Vous êtes la réalisation vivante de mes rêves. » Je l'interrogeai, « Mais qui êtes-vous donc ?» Alors de ses lèvres tombèrent ces mots extraordinaires. « Edward Gordon Craig, je suis le fils d'Hélène Terry. » « Hélène Terry ? Mon idéal de la femme ? La grande actrice Hélène Terry ? Venez donc à la maison pour souper avec nous, dit innocemment ma mère. « Puisque vous portez tant d'intérêt à l'art d'Isadora, il faut absolument que vous soupiez avec nous. » Et Craig vint chez nous. Il était dans un état d'agitation extrême. Il voulait expliquer ses idées sur son art, ses ambitions, et j'étais fort intéressée. Ma mère et les autres personnes qui étaient là eurent peu à peu envie de dormir, et elles allèrent se coucher les unes après les autres sous des prétextes variés. Nous étions seuls. Il se tenait devant moi dans l'éclat de sa jeunesse, de sa beauté et de son génie. Une flamme d'amour brûla en moi et je me jetai dans ses bras. Son ardeur était à l'unisson de la mienne. Je ne sais comment les autres femmes se rappellent leurs amants. J'imagine qu'il est correct de s'arrêter à la tête, aux épaules, aux mains, etc., puis de décrire le costume. Mais pour moi, je le revois toujours tel qu'il m'apparut en cette première nuit. Quand son corps blanc, flexible et lumineux émergea de la chrysalide de ses vêtements et brilla dans toute sa splendeur à mes yeux éblouis. Il ressemblait plus à un ange de Blake qu'à un jeune mortel. Mes yeux étaient à peine charmés par sa beauté que j'étais attirée à lui, enlacée, vaincue. J'avais enfin trouvé mon égal, mon amour, mon autre moi-même. Nous n'étions pas deux êtres mais un seul. Nous étions deux moitiés d'une même âme. Gordon Craig est l'un des génies les plus extraordinaires de notre époque. Sans avoir joué un rôle actif dans la vie pratique de la scène, il a inspiré tout le théâtre moderne. Il est demeuré à l'écart et il a rêvé. Et ses rêves ont inspiré tout ce que l'art dramatique d'aujourd'hui a de beau. Craig était d'un commerce brillant. Il était l'un des rares hommes que j'ai rencontrés qui fussent du matin au soir dans un état d'exaltation perpétuelle. Un arbre, un oiseau, un enfant qu'il avait vu en passant suffisait à l'enflammer. On ne connaissait pas un moment d'ennui avec lui. Il était toujours au comble de la joie ou de la colère. Et ses états extrêmes se succédaient sans cesse. Le ciel s'obscurcissait tout à coup. Et une inquiétude soudaine emplissait l'air. Malheureusement, ces crises d'humeur sombre devinrent de plus en plus fréquentes. Pourquoi ? Avant tout parce que chaque fois qu'il me disait « mon œuvre », je lui répondais doucement « ton œuvre, oui, elle est admirable, tu as du génie, mais il y a aussi mon école ». Ma destinée avait voulu que je fusse le grand amour de cet homme de génie. J'essayais, au nom de cette même destinée, de concilier cet amour et la poursuite de ma carrière. Impossible harmonie. Gordon Craig, l'artiste, était un rêveur, un idéaliste, un créateur. Gordon Craig, l'homme, était la victime de sa jalousie diabolique. Après quelques semaines d'amour fou, d'amour passionné, la jalousie, ce serpent aux yeux verts, s'empara de lui. Et je puis dire que dès lors je fus la martyre de son caractère difficile et de ses caprices. Il était jaloux de ma famille, jaloux de mon école, jaloux même de mes idées. Alors commença une bataille acharnée entre le génie de Gordon Craig et l'inspiration de mon art. « Pourquoi ne lâches-tu pas tout ça ? » disait-il. « Pourquoi veux-tu monter sur scène et faire remuer tes bras ? Pourquoi ne restes-tu pas à la maison à tailler mes crayons ?» Gordon Craig goûtait mon art plus que personne. Mais son amour-propre et sa jalousie d'artiste ne lui permettaient pas d'admettre qu'une femme pût avoir du talent. Isadora Duncan, Ma vie, lue par Odja Lorca, avec la voix de Julien Alouf. Traduction, Jean Alary. Choix des extraits, Pauline Timonier. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Claude Niort, Bastien Varigaud. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Réalisation, Laure Egoroff. Ma vie est publiée aux éditions Gallimard.